بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Par les chevaux au galop haletant, dont les sabots font jaillir les étincelles d'un sol pierreux, attaquant à l'aube et soulevant un nuage de poussière au milieu des groupes attaqués. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. En vérité, l'homme est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Il en témoigne lui-même et il aime ardemment les biens. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ne sait-il donc pas que lorsque l'on bouleversera les corps des enterrés et que l'on exposera tout le contenu des cœurs, il s'avérera ce jour-là que leur Seigneur les connaît bien.